En Corée, la cérémonie de clôture des compétitions sportives pour le prix Sungun Ponghwa a eu lieu le 30 juin au stade de Hamu de la province du Hamgyong du Sud. Y ont pris part les cadres intéressés, les sportifs et les travailleurs de la ville de Hamu. Les meilleurs clubs et sportifs ont reçu la coupe challenge et les médailles.